Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Alison Patou. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette cinquième saison, le podcast il est encore et toujours soutenu par la NEF, qui est une coopérative bancaire éthique depuis déjà 35 ans. Ça ne nous rajeunit pas cette histoire. Concrètement, ça veut dire qu'elle collecte de l'épargne et que grâce à cette collecte, elle va financer des projets écologiques, sociaux et culturels. On en reparlera ensemble. La NEF, pour moi, c'est vraiment la banque des 2030 glorieuses, et notamment parce que sa particularité, c'est d'être 100% transparente. C'est le seul établissement bancaire en France qui publie l'intégralité des prêts qu'elle réalise chaque année. Ça, il faut le dire quand même, on ne s'en rend pas compte. On retrouve donc dans sa liste le nom du projet, le montant du prêt et une description pour comprendre son impact positif. Et c'est la NEF aussi qui a réalisé une cartographie. On peut aller sur leur site internet et on découvre comme ça tous les projets soutenus par la NEF un peu partout en France. Et ça, c'est aussi une bonne porte d'entrée vers les 2030 glorieuses. Voilà, ça, c'est dit. Aujourd'hui, moi, je suis heureux de donner la parole à Alison Patou qui est sur son profil LinkedIn, on en reparlera, data scientist, tu es fondatrice et co-dirigeante de Scopa. C'est une coopérative composée d'artisans de la data qui travaillent à la valorisation des données. Ensemble, on va parler de la place du numérique dans nos vies, de sobriété, d'autonomisation et de comment la technologie peut se mettre au service des 2030 glorieuses. Vaste programme et j'ai hâte de commencer cet échange avec toi. Et à la fois, je te pose la question que je pose à tous mes invités pour lancer notre échange, Alison. Tu es dans un événement où il y a plein d'inconnus autour de toi. Arrive la question fatidique. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, moi, je suis donc data scientist à la suite d'une école d'ingénieurs que j'ai faite à Lyon, qui est Polytech Lyon, et de mes études en mathématiques. C'était il y a déjà 10 ans. Je ne savais pas forcément comment exploiter pleinement les mathématiques, hein, finalement, ne pas les faire que sur papier, etc. Je voulais aller plus loin et c'était un peu l'émergence des big data, de l'analyse de données, mais c'était le début. Donc voilà, c'était assez flou. Ceci dit, j'ai rapidement commencé par ce métier qui est passionnant, parce qu'en fait, on peut faire plein de choses. Bon, l'idée du data scientist, c'est vraiment d'être le scientifique des données, donc de faire parler les données. Et du coup, il y a vraiment plein d'axes là-dessus, hein, parce que des données, on en utilise tous, on en génère tous. Donc voilà, je suis passée par plusieurs entreprises et c'est vrai qu'il y a un peu plus d'un an, avec Gaëtan, qui a fait la même école que moi, on a fondé Scopa pour avoir une entreprise qui soit une coopérative et qui rejoigne en fait les valeurs qu'on voulait transmettre et qui sont assez novatrices dans ce monde du numérique et surtout sur nos métiers où on a tendance à être assez capitaliste, on va dire. On va en reparler parce que je t'avoue, Alison, que d'habitude, c'est moi qui contacte les gens que j'ai envie d'interviewer. De temps en temps, ça arrive qu'il y ait un intermédiaire, mais c'est assez rare que ce soit des personnes qui, comme toi, ont fait la démarche de me dire « Hey, coucou, on est là, tu devrais nous donner de la place dans ton podcast parce que j'ai l'impression que tu n'as pas trop parlé de ce sujet. » Et pour être même complètement honnête avec toi, Alison, mon avant-dernier livre sur les métiers qui auront du sens est venu de la volonté de proposer d'autres alternatives professionnelles, notamment à la jeunesse, mais pas que. Le jour où je suis tombé sur un livre sur les métiers de 2030 et où il y avait tout un tas de trucs, data broker, data scientist, coach en IA, on voyait des illustrations de gens avec des casques de réalité virtuelle sur la tête et ça m'a fait me dire, mais en fait, je veux pas du tout de ce monde-là pour mes enfants et je veux pas du tout qu'ils rêvent à ce monde pour que malgré eux, il n'y ait pas d'autre choix fois que le faire advenir. Donc quand tu m'as dit, bah voilà, moi j'aimerais bien te parler d'intelligence artificielle, de données, on a créé une coopérative, il y a eu plein de choses qui se sont mélangées dans ma tête et je me suis dit, mais ok, essayons de reposer la question de effectivement l'analyse des données qui, comme tu le dis, est très connotée en général capitaliste, puisque tout passe par ça, notamment aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est devenu un commerce assez extraordinaire dont on n'a quasiment pas connaissance en réalité. Et je me suis dit, ça va être l'occasion de reposer le sujet sur la table avec toi. On va prendre le temps, on va le faire avec nuance, avec complexité. Et du coup, si tu devais me redire de la manière la plus neutre possible en quoi consiste ton travail, sans tomber dans ce fantasme un peu de l'innovation hyper valorisée de notre Startup Nation actuelle. Tu me dirais quoi ? Alors, nous, c'est vrai, et c'est pour ça qu'on s'appelle artisans de la donnée. Notre but, vraiment, c'est finalement de faire parler les données. Alors, ça peut être tout simplement de faire des analyses à proprement parler des données qu'on a pu avoir. Et puis, ça peut être tout ce qui est intelligence artificielle, mais qui, dans le concret, est beaucoup plus de l'optimisation, de l'anticipation, de la prévision. Enfin, voilà, des choses assez, finalement, triviales, hein, qu'on utilise pour beaucoup de choses, qui font peut-être moins rêver que le casque virtuel et ChatGPT, mais qui sont des besoins primaires, en fait, maintenant, pour vraiment vivre dans le monde de manière optimale. Donc on est dans une société ultra technologique où on génère énormément de données du fait de nos utilisations, on en a parlé des réseaux sociaux, mais en fait pas que, parce que les transports en commun, parce que la santé, et donc ces données, vous partez du principe qu'on peut les utiliser, non pas pour forcément générer encore plus de profits de manière déguisée, mais au contraire pour optimiser, rassembler, peaufiner. Exactement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir cette vue sur les données. Et finalement, voilà, je suis une entreprise, j'utilise des ressources, quelles qu'elles soient, des matières, etc. Comment je peux ne pas trop vendre pour éviter les pertes? Comment je peux optimiser mes matières, optimiser mon énergie? Enfin, il y a plein de sujets comme ça qui peuvent être intéressants et qu'on peut adresser justement avec l'intelligence artificielle. Donc l'analyse des données et l'intelligence artificielle au profit de la sobriété. Moi ça je l'avais jamais entendu, tu vois, on nous vend effectivement ChatGPT en nous disant que ça va faciliter tout un tas de choses. Le biais c'est de nous dire que ça va nous apporter du confort à nous individus et qu'en plus il faut absolument qu'on le fasse parce que il nous trouve un exemple de santé qui nous fait nous dire que bah oui bien sûr il faut qu'on fonce. Là toi tu dis quelque chose de différent, tu dis les données pour optimiser, les données pour peut-être réduire, pour diminuer, pour moins gâcher. Alors après, l'utilisation de ChatGPT et ce genre d'outils, mine de rien, ça reste de l'optimisation de temps, on va dire. Enfin, beaucoup l'utilisent pour aller plus vite, pour rechercher plus facilement, pour avoir des réponses, en tout cas de manière plus rapide. Donc ça reste, mine de rien, un peu d'optimisation. Mais c'est vrai qu'il y a plein de sujets qui peuvent en découler, qui sont forcément un peu moins fancy, un petit peu moins sur le devant de la scène, mais pour lesquels on œuvre tous, hein, plus ou moins selon ses appétences, ou en tout cas sur lesquels on peut intervenir, parce qu'on a les connaissances derrière pour aller plus loin. Alors, rentrons dans le cœur du sujet, si tu veux bien, et aide-moi à lever tout un tas de barrières que j'avais érigées face à ces discours un peu ambiants de la fascination pour ChatGPT et consorts. La première chose là que tu dis, c'est qu'on imagine qu'effectivement, cette intelligence artificielle, on va revenir après, j'aime pas ce terme d'intelligence artificielle, j'aimerais bien qu'on le renomme si tu veux bien, mais tu dis que ça peut nous faire gagner du temps. Or, on voit qu'avec l'événement de la technologie moderne, high-tech, il y a plein de choses qui supposément nous ont fait gagner du temps. Je pense à nos emails, par exemple, qui nous permettent d'éviter de passer soit par la lettre manuscrite, soit par le fax. Je me rappelle de voir mon père qui faisait ça, ça prenait un temps fou. Donc on pourrait se dire qu'on va dégager du temps pour faire plein de choses. Et en réalité, ce temps dégagé, il est utilisé pour être encore plus productif, pour encore plus participer à la grande roue du consumérisme, du capitalisme, on l'appelle comme on veut. Et dis-moi, pourquoi toi, en l'occurrence, vous arrivez à faire en sorte que ce temps gagné ne serve pas à continuer à détruire le vivant dans son ensemble? Alors nous, on essaye de proposer ou en tout cas répondre à des sujets qui ont vraiment du sens pour nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé cette coopérative. Contrairement aux entreprises pour lesquelles on était salariés, on avait tendance à travailler pour des grands groupes. pas forcément en adéquation avec nos valeurs, et puis sur des sujets qui nous correspondaient pas forcément. Donc c'est vrai que nous, déjà, on s'adresse à un public qui, mine de rien, est très différent. Pourquoi ? Parce que notre public, c'est plutôt des entreprises ou des associations de petite et moyenne taille pour qui, déjà de base, les données, c'est pas leur cœur de métier, c'est pas quelque chose sur lequel elles s'attardent forcément, et on le sait, les petites entreprises, elles vont pas dépenser des sommes folles pour intégrer de l'intelligence artificielle. J'ai besoin que tu me donnes des exemples concrets. Des exemples concrets. Et ben typiquement, on a travaillé pour une entreprise qui est d'ailleurs une SCOP, qui répond en fait à des demandes clients d'un point de vue informatique et qui solutionne en fait des problèmes informatiques. Et l'idée derrière, c'était vraiment de pouvoir aller plus loin sur justement l'utilisation des ressources, de pouvoir proposer des logiciels, des ordinateurs qui étaient adaptés à des utilisations pour éviter justement d'avoir des choses surdimensionnées, pour éviter d'avoir trop d'ordinateurs qui étaient stockés dans une pièce, qui avaient juste été achetés puis non utilisés, d'éviter l'obsolescence programmée parce que on est sur des ordinateurs qui sont voués à être peu utilisés, donc qui vont s'abîmer très vite, etc. Donc là, c'est des données qui nous permettent de faire des inventaires de manière plus optimisée. Je me rappelle des inventaires qu'on faisait à l'époque. Bon, c'était vraiment un autre sujet, mais dans l'entreprise de mon père, avec tout un tas de choses qu'il fallait étiqueter, suivre, et donc parfois un peu perdu. Et là, en l'occurrence, on imagine que ça peut s'abîmer, que ça peut devenir obsolète. Toi, tu dis aussi, du coup, bien cibler les besoins pour pas avoir des machines qui seraient trop puissantes et donc, du coup, potentiellement trop consommatrices par rapport à des données précises. Donc là, on imagine bien répondre à des besoins ciblés, être sûr de ne pas perdre le flux, les matériaux en cours de route. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sortiraient un peu de la technologie ou du matériel informatique qui Travaillé aussi, enfin plutôt moi pour le coup, j'ai travaillé pour une entreprise qui est pareil, une entreprise coopérative qui est un site physique de vente un magasin de magasin bio classique qui a plein de stocks, qui a donc plein de magasins sur la région lyonnaise, et on le sait, les magasins bio comme ça subissent en ce moment une perte de chiffre d'affaires, d'influence, et tout simplement parce que le coût des matières premières sont particulièrement élevés, les gens font attention aussi à leur budget, etc. Donc ils avaient vraiment à cœur de, finalement on en était à sauver l'entreprise économiquement parlant. Et donc du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé vraiment dans cette optique de fouille de données, donc de récupérer un petit peu tous les fichiers qu'ils avaient ça et là, de pouvoir creuser un petit peu les données qu'ils utilisaient pas ou peu parce qu'ils étaient vraiment en flux tendu, pour essayer justement d'optimiser les stocks par exemple, de pouvoir proposer des prix qui leur permettent de vendre, mais aussi de se faire une marge suffisante pour potentiellement sur un autre produit se faire une marge plus basse, pouvoir aussi leur permettre de créer un tableau de bord qui, suivant des indicateurs bien précis et une vue chaque jour du nombre de clients, de pouvoir suivre un petit peu les affluences de leurs clients, sur quel jour, sur quel créneau, etc., pour proposer potentiellement des offres adaptées, des tranches horaires un petit peu rallongées, typiquement sur des horaires d'ouverture de magasins, etc. Bref, vers un état des lieux complet en fait des données qu'on avait à disposition, qui étaient peu nombreuses mais assez variées, et sur lesquelles déjà on avait quelques pistes d'amélioration qu'on leur a données finalement, et qui ont permis mine de rien d'aller sur ces sujets en parallèle plus loin, et de pouvoir un petit peu finalement sauver un petit peu les meubles. Plus optimisé, plus sobre, toujours moins de gaspillage, des économies en fait, des économies d'énergie, des économies de ressources forcément, et donc d'argent aussi à la fin. Tu vois, tout ce que tu me dis là, ça me fait me dire, en fait super, on utilise la technologie pour prendre une grande masse d'informations et la rendre lisible, accessible, pour être bien capable de lire la réalité. Mais en fait, c'est de la facilitation, c'est une accessibilité renouvelée. d'une certaine manière. Et donc, c'est des calculs, parce qu'on a de la puissance de calcul grâce à la machine. Il n'y a rien d'intelligent derrière, parce qu'en fait, toutes ces données, elles sont mises ensuite sur un écran. Et c'est là la personne qui va lire ces données, qui va être capable de mettre en place des stratégies, qui va potentiellement prendre des décisions. On est d'accord. Donc, aide-moi à faire en sorte qu'on démystifie un peu cette technologie et qu'on arrête à tort, je pense, de l'appeler intelligence artificielle. Comment on pourrait l'appeler pour la remettre à sa juste place? Alors, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'on n'est pas forcément sur une intelligence comme on pourrait la comparer à l'intelligence humaine. Le lien est fait notamment parce qu'on utilise des algorithmes qui se rapprochent des neurones humains, tout simplement. Donc, je pense que le lien est aussi dû à ça. C'est de la prédiction, en réalité. C'est ça, mais ça reste des algorithmes, en fait. Peu importe l'analyse qu'on fait, peu importe la complexité derrière qu'on va avoir mathématiquement, on reste sur des algorithmes, finalement. Comment on l'appelle alors? Du coup, c'est de la prédiction par la machine. C'est ça. Ça peut être de l'apprentissage automatique, l'apprentissage par la machine. Ok, ça marche. Et moi, j'aime bien cette idée de se dire qu'effectivement, de temps en temps, face à la masse de données, on peut être aidé. Il n'y a pas de souci. Mais de se dire que tout d'un coup, on a une sorte de personnage conscient de lui-même, avec des stratégies qui lui sont propres et tout. Ok, moi aussi, je les ai vus tous, hein, les films de science-fiction. J'ai lu, dans la bibliothèque, là, je lève le regard, les livres de Philip K. Dick et compagnie. Mais en fait, on en est à des milliers d'années-lumière. Et c'est pour ça que... J'étais content de te donner la parole, parce que je trouve qu'on a tellement entendu parler de ChatGPT et de Mistral, son pendant français, là. Parce qu'en fait, on se rend compte que cette supposée intelligence artificielle, elle nourrit la Startup Nation et elle la légitime. Et donc, moi, je trouvais ça aussi hyper intéressant, et j'aimerais terminer par ça, si tu veux bien, de voir que vous, finalement, bah, vous n'avez pas du tout créé une startup, vous avez créé une coopérative, et que c'est un contre-pied assez... je ne sais pas si ça a été vraiment décidé, profondément compris, peut-être même mis à la lumière de jour pour l'assumer. Comment vous en êtes venu à vous dire que vous n'alliez pas jouer le jeu de la Startup Nation? En fait, il y a deux choses. Il y a le fait qu'on avait déjà une expérience chacun de notre côté avec Gaëtan qui nous avait finalement un petit peu dégoûté justement de ces entreprises qui vendent beaucoup de rêves. Et puis quand on est sur le concret face à des problématiques d'entreprise, on en est assez loin. Donc ça, c'était la première chose. L'autre chose, c'est qu'on a été créé en octobre 2022 et ChatGPT est sorti 2 mois plus tard. Donc on était un petit peu en avance et il n'y avait pas tout cet engouement qu'il pouvait y avoir derrière. Pour autant, nous qui avons les pieds dedans, entre guillemets, et qui travaillons sur ces sujets depuis longtemps, je veux dire, on a les chatbots, c'est pas nouveau, on en a déjà configuré, on en a déjà mis en production pour certaines entreprises. La différence, c'est vrai, c'est que ChatGPT, il est accessible pour tous. Donc ça pose vraiment pas mal de questions qui ont été plus ou moins répondues. Et puis ça pose aussi des questions, mine de rien, environnementales, parce que c'est comme utiliser beaucoup de ressources de manière simultanée par beaucoup de personnes, en fait. Par beaucoup de personnes, et à la fois au profit de toujours les mêmes personnes qui ont accès à la technologie, à du matériel informatique, qui sont en réalité une minorité de personnes, et qui posent aussi la question de comment on continue, nous, à faire grossir notre empreinte carbone. Et au-delà de ça, moi, je trouve à entretenir cette fascination pour notre capacité à toujours être au-delà de la nature, au-delà du vivant, avec des réponses à tout. Et donc, on crée des problèmes auxquels on croit qu'on pourra continuer à répondre en utilisant les mêmes leviers d'ego, d'individualité. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe là avec l'intelligence artificielle. L'humain se continue à s'auto-promulguer, maître, possesseur de la nature, jouisseur de la nature, au-delà de tout. Peut-être que finalement, j'aimerais aborder ce sujet avant qu'on parle en 2030 glorieuse. Est-ce que vous avez une sorte de déontologie morale, un code d'honneur, des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir pour faire en sorte de justement pas tomber dans ce piège de l'hubris humain qui continue à nous faire jouer cette course en avant dans laquelle on a perdu d'avance? Est-ce que de temps en temps, vous refusez certains clients, de temps en temps, vous orientez certains projets? Comment vous faites pour continuer à faire que la technologie, elle soit un moyen plutôt qu'une fin? Alors, il y a plein d'aspects à ça. Déjà parce que nous, en tant que data scientist et finalement en tant que scientifique de la donnée, quand on construit les algorithmes, on a plein de choix à faire. Et on a, mine de rien, des questions éthiques, parce que selon les problématiques, on peut être amené à utiliser des données spécifiques. Et voilà, selon ce sur quoi on travaille, forcément, il y a ces questions-là qu'on peut se poser. Pour le moment, ça s'encadre un tout petit peu plus, notamment avec l'IAAC, notamment avec la RGPD, hein, qui n'y avait pas il y a quelques années encore et qui font la différence. Ils commencent à avoir un petit peu d'encadrement, mais c'est vrai que ça reste trop sommaire. Chacun fait un peu ses propres choix. Et nous, l'idée de la coopérative, c'était vraiment de pouvoir laisser en fait à chacun la possibilité de pouvoir aussi choisir les sujets sur lesquels il travaille. Alors évidemment, si on a fait le choix d'une coopérative, notre but, c'est qu'on puisse plus spécifiquement répondre à des problématiques d'organisation sociale, d'associations, essayer justement de valoriser la donnée, mais pour des entreprises qui habituellement l'utilisent pas ou peu, parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens, parce qu'elles n'ont pas forcément les connaissances, et elles ne savent pas ce qu'elles peuvent tout simplement en faire de leurs données. Donc vos clients, parce qu'ils sont, on va dire, dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, pour le dire simplement, font que de toute manière vous jugez vos projets éthiques. Parce que la finalité des entreprises pour lesquelles vous travaillez est normalement de valoriser l'intérêt général. On essaye au maximum, oui. On essaye vraiment au maximum. Après, forcément, de par voilà, on sait aussi, enfin, on connaît forcément nos limites. On sait que de toute façon, le fait d'utiliser la technologie, et nous plus particulièrement quand on lance des algorithmes puissants, les ressources qu'il y a derrière, voilà, on a des points sur lesquels on va et on veut s'améliorer. On sait aussi que forcément, même si on est utopiste, on peut travailler pour des entreprises qui sont un petit peu, alors je dirais pas moins éthiques, hein, mais qui sont un peu plus grosses et pour lesquelles on est sur des sujets qui sont moins, en tout cas, tournés vers l'ESS, mais qui vont nous permettre justement de pouvoir proposer des choses à la portée d'autres plus petites entreprises. Avant de voyager vers les utopies réalistes, on a déjà une bonne vingtaine de minutes d'échange maintenant sur voilà, cette donnée mise au service de l'humain. Moi, je voulais quand même qu'on ait à chaque fois cette petite respiration avant de voyager en 2030 glorieuse. J'ai hâte de voir à quelle place a la technologie en 2030 glorieuse. Toi, tu es venu avec une lecture qui porte des valeurs que tu aimerais voir se déployer en 2030 glorieuse. Qu'est-ce que tu as dans ton sac ? Alors, j'ai beaucoup hésité parce que je voulais quelque chose qui soit positif et puis qui prenne aussi en considération l'éducation, parce que je pense vraiment que ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Donc, je voulais vraiment un extrait qui puisse traiter de tout ça. Donc, j'ai pris un extrait de Maria Montessori, de son livre « L'éducation et la paix », que je vais pouvoir lire du coup. C'est marrant parce que l'une des dernières interviews là, du fondateur du Livre Vert était aussi avec une lecture de Maria Montessori de l'enfant, et on a, je pense, déjà eu plus de 100 interviews et jusqu'à présent on n'avait pas eu comme ça de lecture de livre de Maria Montessori. Donc tu es la deuxième en l'espace de quelques interviews à peine. L'éducation capable de sauver l'humanité n'est pas une mince affaire. Elle implique le développement spirituel de l'homme et le renforcement de sa valeur personnelle. Elle suppose que nous nous rendions les jeunes capables de comprendre l'époque dans laquelle ils vivent. Quel est le secret d'une telle éducation ? Rendre l'homme capable de maîtriser l'environnement mécanique qui l'opprime aujourd'hui. Science et technique ont permis l'accroissement du volume de la production et en ont fait une activité hautement organisée partout dans le monde. Il est donc devenu nécessaire d'utiliser la science pour renforcer les dynamismes de l'homme et pour organiser l'humanité en conséquence. Les hommes ne peuvent plus rester dans l'ignorance de leur propre nature et de celle du monde dans lequel ils vivent. Le vrai fléau qui les menace aujourd'hui est précisément ce type d'ignorance. Nous devons organiser nos efforts pour la paix et la préparer scientifiquement par une éducation nous indiquant le nouveau monde à conquérir, celui de l'esprit humain. L'enfant, est capable de se développer et de nous donner la preuve tangible de la possibilité d'une humanité meilleure. Merci Alison pour cette lecture, c'est marrant parce qu'on parle de science au service de l'être humain et quand même de l'enfant qui est la source de l'humanité meilleure. On va discuter tout ça en 2030 Glorieuse pour voir justement comment la science elle a décidé de se mettre vraiment au service du vivant, et il y a plein de sujets qui forcément ont été radicalement bouleversés en 2030 Glorieuse sur ces questions-là, grâce à ces questions-là, grâce à ce repositionnement-là. Les 2030 Glorieuse, c'est un exercice un peu particulier, Alison, puisque nous on va faire le jeu d'être en 2030 pour les personnes qui découvriraient le podcast là avec cette interview. On va aller en 2030 Glorieuse dans un monde où supposément on a réussi à se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle, écologique, durable, solidaire, etc., joyeux, même de santé, plein de choses qu'on pourra rediscuter ensemble. Là, en l'occurrence, forcément avec un prisme particulier sur la place de la technologie dans nos vies, pour nous libérer plutôt que pour nous asservir, nous contrôler ou en tout cas nous organiser à l'insu de notre plein gré, comme dirait l'autre. On va nous parler de ce temps-là au présent. Pas de conditionnel, pas de futur, on le décrète, on le décide, on le fait advenir dans nos têtes et dans nos mots, et puis forcément on essaie d'être le plus descriptif possible pour que les gens qui nous écoutent et qui sont eux et elles restés en 2024 puissent bien voir ce monde-là. Ça marche ? Ok. On est pour cette interview chez moi, donc l'exercice n'est pas évident, et à la fois, si jamais toi tu étais en 2030 Glorieuse, j'imagine dans les locaux de Scopa ou chez toi et que tu devais regarder par la fenêtre, qu'est-ce que tu y vois toi dans ces 2030 Glorieuse ? Alors j'y vois de la nature, beaucoup de nature, justement pour contraster le monde dans lequel nous vivons, qui est à l'opposé assez technologique, parce qu'on est en 2030, les technologies ont bien évidemment évolué à vitesse grand V, mais j'aime à penser que notre monde actuel est vraiment un équilibre justement entre le retour aux sources finalement, aux besoins primaires, à la nature, et puis la partie aussi technologie. Donc la technologie, je me souviens plus du nom de cette théorie qui disait que chaque année, je crois que c'était la capacité de calcul qui était capable de doubler, il y avait quelque chose comme ça. Enfin bref, c'était vraiment un effet d'entraînement presque exponentiel. Elle a continué à évoluer, tu as raison. Et à la fois, le fait d'avoir plus de nature autour de nous, de s'être reconnecté à cette nature, nous a permis de passer la fascination qu'on avait pour la technologie vers le vivant, qui est autrement plus beau, plus complexe, plus riche, et qui est lui aussi, là en l'occurrence, plein de poésie, plein de choses qui nous permettent d'alléger notre empreinte plutôt que de continuer à se dissocier de la nature. À l'époque, on se souhaitait peut-être tous et toutes, ou en tout cas on espérait qu'on allait tous vivre dans le métaverse avec des casques de réalité virtuelle, tous entourés d'écrans à longueur de journée. En réalité, ça c'est pas du tout le cas. Et donc on a réussi à faire en sorte que la technologie se développe, continue à augmenter en puissance tout en la remettant à sa juste place. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a réussi ce tour de force? Est-ce qu'on a légiféré? Est-ce que c'est la raréfaction quand même des ressources qui nous impose aujourd'hui de plus être entouré de 18 écrans dans chaque foyer? Comment on a réussi ce tour de force, Alison? Je pense qu'en effet, il y a la prise de conscience écologique de chacun à son niveau, alors avec une avancée qui peut bien sûr diverger. Mais en tout cas, on a conscience maintenant de la place de l'homme et surtout de l'impact de l'homme sur l'environnement. Et mine de rien, les technologies représentent quand même une part assez importante. Plus on va dans des technologies avancées et plus on va sur des émissions de CO2 qui sont particulièrement fortes. Il y a cet aspect qui est à prendre en compte. Je pense aussi que ces idées de métaverse et compagnie sont certes intéressantes parce que nouvelles, novatrices. mais elles répondent pas forcément à un besoin. Et justement, elles sont en contradiction avec le besoin de se reconnecter pour beaucoup. On l'a vu post-Covid, hein, la nature a pleinement finalement repris un petit peu de ses droits. L'homme s'est rendu compte que cette liberté était essentielle. Et finalement, vivre avec un casque de réalité virtuelle, c'est plus quelque chose qui l'intéresse grandement. Donc le grand déclencheur, c'est 2027, la Convention citoyenne pour la technologie, avec... pour commencer, plutôt que de faire un état des lieux de toutes les pollutions, de tous les biais dans lesquels nous entraînait la technologie, un grand calcul, une grande décision de nos besoins réels, une discussion autour de nos besoins pour se dire, en fait, maintenant qu'on sait qu'on a tant de ressources limitées, qu'on est supposément censé aller à horizon 2050 à 2 tonnes de CO2 par personne, comment on peut investir nos ressources, l'énergie qu'on est censé utiliser, les minerais qu'on est censé exploiter pour répondre au mieux à nos besoins réels plutôt que d'en créer des nouveaux. Et forcément, la technologie, elle doit suivre. Elle peut plus continuer à être à la source de ces besoins qui ne sont en réalité pas des besoins vitaux. C'est ça, j'allais dire, oui, de manière intelligente, en fait, vraiment dans cette idée d'avoir un but précis, d'optimiser, de répondre à des vrais besoins et pas créer des besoins. C'est ça la différence. On peut, avec les technologies, créer plein de besoins, mais finalement, est-ce que ça répond pas à des besoins qui étaient déjà présents? Moi, j'aime bien citer ChatGPT parce que je le vois, je donne quelques cours à l'époque, ChatGPT, bien sûr. Si vous maintenant, en il a bien évolué, il est encore plus puissant. Mais j'aime bien dire que forcément, beaucoup utilisent ces chatbots, que ce soit ChatGPT ou autre, plutôt Google, et du coup, ont une seule réponse et non plus justement la possibilité de creuser plusieurs sources, d'avoir plusieurs informations. Et malheureusement, ça ne répond pas forcément à un besoin, si ce n'est le besoin d'aller plus vite et d'avoir des réponses plus rapidement. Et donc, en 2030, maintenant, c'est plus forcément ce qui intéresse les gens. On a aussi besoin de se reconnecter à la nature pour se poser des vraies questions. Alors après, des vraies questions qui peuvent se traduire par l'utilisation de la technologie pour aller plus loin peut-être, mais en tout cas de contrebalancer le temps avec la technologie et le temps sans la technologie. Et donc, une des grandes avancées, justement, ça a été de mettre une transparence obligatoire affichée autour de tous les coûts de la technologie, des coûts forcément de la création d'un ordinateur qui est face à moi, jusqu'à la requête à laquelle répond ChatGPT en termes d'émissions carbone, notamment. Donc aujourd'hui, on a une sorte de grands indicateurs carbone de tous les coûts de la technologie. Ça, forcément, ça nous a permis de prendre conscience de ce qui était caché, de ce qui était diffus, flou. Et forcément, on valorise complètement différemment l'utilisation de cette technologie. Complètement. C'est vrai que ça, c'est une idée mise en place qui est particulièrement intéressante. Un score carbone, on appelle ça. Oui, hein, c'est ça. Exactement. Qui permet justement de pouvoir prendre conscience, tout simplement. Parce que quand on n'a pas de chiffres, c'est vrai qu'on a du mal à quantifier, on a du mal à se rendre compte. Et à partir du moment où on est capable de prendre conscience et de ne plus être dans l'ignorance, on fait ses propres choix de manière éclairée. Tu te souviens, à l'époque, il y avait des gens qui défendaient les Formule 1 en disant « Mais oui, mais grâce aux Formule 1, on est en train de développer une technologie qui pourra servir à tout l'automobile. » On avait un peu ces excuses bidons. Aujourd'hui, en fait, c'est la technologie qui est utilisée dans les champs pour faire en sorte de mieux se préparer aux canicules, aux intempéries, à tout ce qui est quand même encore difficilement calculable et difficilement identifiable, parce que c'est vrai que on a continué à dérégler le climat, et même en 2030 glorieuse, il y a tout un tas de choses j'allais dire imprévisibles, mais en tout cas qui sont hors des clous, qui nous surprennent. Et donc on utilise la technologie pour mieux anticiper, pour mieux prévoir, pour s'adapter. On utilise aussi la technologie pour communiquer avec le vivant. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout identifié, mais il y a des hackers qui ont commencé à utiliser ce qu'on appelait à l'époque l'intelligence artificielle pour essayer de traduire le chant des baleines, pour communiquer avec les arbres. Est-ce que tu peux nous raconter où ça en est, tout ça? Alors, où ça en est? C'est une excellente question. C'est vrai qu'on a pu justement utiliser cette fameuse intelligence artificielle pour pouvoir explorer des domaines scientifiques pour lesquels c'était de l'inconnu, sur lesquels on avait forcément des questions pour... finalement se rendre compte de la place de l'homme vraiment par rapport à ses congénères et mieux comprendre justement les différentes espèces qui s'y trouvaient. Et ça, ça, en fait, une des premières questions qu'on se pose avant d'utiliser cette technologie désormais, c'est est-ce que ça participe à ce que je m'émerveille encore plus de voir tous vivants autour de moi, ou est-ce que au contraire ça va continuer à me détricoter du vivant? On utilise cette question rhétorique maintenant pour savoir si la technologie est bien utilisée ou pas. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir finalement un questionnement en amont, chose qu'on ne faisait pas du tout avant, hein, de la place de cette intelligence artificielle et de son utilité à proprement parler. Donc le fait de se questionner et de se challenger en amont pour être sûr que ça a un réel intérêt, ça permet justement d'aller plus loin sur des explorations scientifiques. Donc on a de la déontologie, on a de la transparence. On l'a dit, on a mieux fait émerger nos besoins réels, vitaux, prépondérants en 2030 glorieuse pour que la technologie réponde et pas l'inverse. On a aussi l'éducation qui est quelque chose de clé. Dès le plus jeune âge aujourd'hui, on a une éducation à la technologie pour mieux l'appréhender, la comprendre, savoir comment elle fonctionne, savoir comment on peut l'utiliser pour plus d'indépendance et d'autonomie de la part des utilisateurs, de manière à moins tomber dans tous ces pièges à l'époque qui nous faisaient peur, hein. Tu te souviens sans doute de manipulation de l'information, de passer trop de temps derrière les écrans et plus suffisamment de temps à l'air libre ou avec des vrais gens. Ça a été une avancée folle et aussi une manière de libérer l'être humain par rapport à cette technologie à l'époque qui était un peu notre alpha et notre oméga, dès le plus jeune âge d'ailleurs, mais en fait pour tous les âges, parce qu'il y a tout un tas d'anciens qui avaient bien aussi besoin d'être éduqués à la technologie. Raconte-nous comment ça marche, ça. Alors, c'est vrai que l'enfant maintenant est en tout cas, a une place centrale sur et autour de la technologie, dans le sens où on sait très bien que ça va être finalement le créateur de demain et ça va être aussi l'utilisateur de demain. Donc il y a le fait qu'on va éduquer par et pour la technologie, mais je pense qu'il est encore important d'éduquer par et pour l'émerveillement et justement l'abstraction de la technologie. Pourquoi ? Parce que tout simplement l'utilisation de manière globale de la nature, de la poésie, des chants, des oiseaux, etc. Ça leur permet d'avoir, mine de rien, un œil nouveau et encore plus de consciencialiser finalement l'usage qu'on va en faire. Je suis le premier à inventer des mots, t'inquiète. Et du coup, tu t'y conscientisais. Il ne faut pas se cacher aussi derrière notre petit doigt. On a été obligé de réguler certaines choses. Et donc, il y a une partie de potentielles innovations qui ont été interdites. On n'a pas le droit de travailler au développement de miroirs connectés, de vêtements connectés, de frigos connectés, tout un tas de choses qui apparaissaient comme hyper importants et complètement nécessaires pour l'humanité. En tout cas, c'est les grandes entreprises qui nous le disaient. Donc, tant pis pour les lunettes connectées, enfin, tous ces trucs connectés qui, en réalité, venaient ajouter de la donnée et des besoins en matière première qu'on n'était pas capable d'assumer à l'échelle mondiale si on voulait justement continuer à rester sur la trajectoire carbone qu'on s'était fixée. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a aussi tous ces modèles économiques qui disaient que si c'est gratuit, c'est vous le produit, qui ont été complètement bannis. Aujourd'hui, tout est open source. On a un contrôle intégral sur notre passeport donné en ligne et on peut plus comme ça marchandiser. Tu vois, moi aussi, j'invente des mots sur des choses qui, en réalité, nous appartiennent depuis le début et qui sont à nous. L'avantage, c'est que ça permet vraiment à chacun de finalement voir quelles sont les données qui pouvaient finalement avant être utilisées, plus ou moins sans le savoir. Hein. Et surtout, ça permet de se rendre compte de la nature principale de la donnée, c'est-à-dire ce dont elle est capable et ce dont il faut éviter au maximum pour justement avoir cette transparence, avoir cette éthique derrière l'utilisation qui en est fait et travailler sur tous ces sujets. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du fait qu'on ait nationalisé justement tous les Facebook, les Meta, enfin tous les grands qui monopolisaient notre attention il y a quelques années en arrière? T'as trouvé que c'était un peu jusqu'au boutiste ou finalement c'était bienvenu? Je pense que ça reste le bienvenu parce que évidemment on était sur une monopolisation de 4-5 grands groupes qui du coup avaient tendance à racheter en plus toutes les innovations qu'il pouvait y avoir et à marchander littéralement des choses qui initialement avaient été créées pour de l'open source. Et du coup, ça permettait d'avoir peu de transparence, d'avoir des coûts qui étaient particulièrement élevés et puis d'avoir cette monopolisation derrière. Moi, je pense que c'est une bonne chose de manière... Enfin, d'ailleurs, je me trompe, hein. Je dis on l'a nationalisé, en réalité, on l'a internationalisé. Tu sais, c'est aujourd'hui l'ONU qui est responsable de ces grands outils et de ces grandes entreprises. Et puis en plus, ça tombait bien parce que ça a permis de refinancer aussi l'ONU, de mettre de la transparence dans les discussions et de lui redonner une place à cette institution dont on disait qu'elle était devenue un peu inutile. Ouais, ouais. Tout à fait. Et donc on a fait ça, donc on a repris le contrôle sur ces grandes entreprises qui à l'époque menaçaient parfois même jusqu'à notre équilibre démocratique. On a aussi encadré, comme à l'époque où la voiture s'est normalisée, on a obligé les gens à porter des ceintures de sécurité et à les mettre. On a aujourd'hui régulé notre utilisation des réseaux sociaux qui sont interdits le week-end par exemple, parce qu'on s'est dit quand même le meilleur réseau social c'était la vraie vie. On a un temps d'écran qui est calculé en fonction de notre âge, en fonction de tout un tas de choses auxquelles on contribue ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Pour moi, c'est une bonne chose, tout simplement parce que ça permet finalement de trouver le bon équilibre entre justement le rapprochement avec les choses de la vraie vie, entre guillemets, la nature, la famille, ces éléments qu'on avait tendance un petit peu à oublier. Et puis, dans cet esprit un peu coopératif, de pouvoir un petit peu recréer du lien social, plus au travers des écrans pour le coup, vraiment en réel, et travailler justement sur des groupes comme ça qui font de l'émergence de sujets, que ça soit des jardins partagés locaux, que ce soit des coopératives qui voient le jour, etc., et quelque chose d'un petit peu plus humain. Qu'est-ce que tu as pensé de ces hackers qui avaient réussi justement à rentrer dans les intelligences artificielles pour leur faire assumer leurs propres limites, et donc ces intelligences artificielles qui parfois étaient utilisées pour continuer à développer des projets d'extraction fossile ou ce genre de choses, qui refusaient de le faire en disant désolé, nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre requête car elle met en péril l'équilibre du vivant sur Terre. C'était assez génial en fait. Oui, absolument fou, tout simplement parce que ça permettait finalement de vraiment faire appliquer des choses qui malheureusement n'étaient pas forcément respectées. Et puis surtout, ça permettait de prendre en compte toute une partie finalement de biais qu'il pouvait y avoir, parce qu'on le sait, la société comporte de nombreux biais, et que les algorithmes, selon par qui ils ont été construits finalement, ou en tout cas développés, peuvent ou non intégrer ces biais. Et on se rend compte finalement de cette transparence aussi à ce niveau-là, alors que jusqu'alors c'était particulièrement opaque. Et donc c'est la rationalité de la machine, faite de 0 et de 1, qui cette fois nous a mis face à notre propre irrationalité. C'est fou quand même, d'une certaine manière. Là, on aurait presque pu penser qu'elle était intelligente. C'est ça, puisqu'elle aurait, par exemple, pu détecter automatiquement des choses qu'elle ne voulait, ou en tout cas qu'elle n'était pas capable de faire via les algorithmes. Qu'est-ce que tu fais, toi, en 2030 glorieuse, Alison ? Alors, en 2030 glorieuse, moi, je travaille toujours sur des sujets particulièrement en lien avec les... Moi, je me posais la question de savoir si tu faisais partie du Haut Conseil national pour l'utilisation de la technologie, par exemple, ou ce genre de choses, tu vois. Savoir si tu participais un peu à l'encadrement qui continue à évoluer, hein, d'ailleurs, de l'utilisation de la technologie et donc forcément de nos données. Vu que vous aviez été les premiers pratiquement à vous déclarer comme artisan de la donnée. Eh bien écoute, tout à fait. C'était un rêve qui s'est exaucé, donc je suis ravie de faire partie de ça, notamment parce que se posent un peu les questions justement de la place de la technologie, la transparence dans l'éducation, parce qu'on le sait, ces métiers numériques malheureusement sont un peu en déclin pour les femmes, et tout simplement le nombre de femmes qui travaillent sur ces sujets. Donc ça me permet aussi de pouvoir promouvoir finalement les sciences pour les femmes et montrer qu'on est capable d'ajouter de l'éthique là-dessus. Et donc la science aujourd'hui, et donc la technologie qui nous permet dans certaines structures sûr de dire on n'avancera pas tant qu'il n'y aura pas la parité. La technologie qui est utilisée pour dire vous ne continuerez pas à m'utiliser tant que vous détruirez le vivant. La technologie qui aussi peut de temps en temps dire arrêtez d'être fasciné par moi, allez jouer dehors. Il y a une certaine manière, tu vois, une remise au service du vivant grâce à cette technologie. Jusqu'à présent, ça peut paraître un peu infantilisant, mais c'était nécessaire quand même pour nous permettre de voir tout ce qu'on avait pris comme normal, alors qu'en réalité, ça ne l'était pas. Exactement. Ce sont des alertes, en réalité, des sortes d'alarmes de choses qui ne peuvent plus être tolérables en 2030 glorieuse grâce à cette technologie qui nous le fait remonter. En fait. C'est ça, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller un petit peu plus loin que ces habitudes qu'on avait, que des automatismes qu'on pouvait avoir tout simplement en se levant et en scrollant son téléphone, en allant sur les réseaux sociaux, etc. Alors qu'on aurait pu commencer sa journée par ouvrir ses fenêtres et regarder le chant des oiseaux et apprécier ça pendant ce silence ou à contrario ces mouvements et ces sons de la nature pendant quelques instants pour se ressourcer et bien démarrer la journée. Donc c'est vrai que c'était essentiel pour justement avoir cet équilibre. Ouais, c'est fou parce que ce que tu mentionnes là, c'était la technologie qui s'immisciait dans tous nos interstices potentiels d'ennui, de chaos fertile, de futilité bienvenue. Et aujourd'hui, la technologie elle-même, elle s'interdit de s'immiscer dans ces moments-là qui sont en réalité essentiels pour notre stabilité psychique, notre santé mentale, notre bien-être physique aussi. Et donc, d'avoir organiser tous ces garde-fous, ça nous fait un bien fou, justement. Exactement. Puis je rajouterais que ça permet aussi de nous rendre plus créatifs. Parce que justement, ces phases d'ennui qu'on n'avait plus, maintenant, on peut les exploiter pleinement pour être plus créatifs, pour prendre le temps de faire des choses qu'on mettait de côté ou tout simplement pour ne rien faire. On va revenir en 2024 petit à petit et les personnes qui nous ont écoutés qui se sont dit bah en fait moi j'ai envie de me voir dans ce monde là, j'ai envie de le faire advenir plus vite que ce qu'on pourrait imaginer avec les 2030 glorieuses qui sont potentiellement dans 6, 7, 8, 10 ans parce qu'on va voir comment ça va aller, mais là pour l'instant c'est vrai quand on est en 2024 on n'a pas l'impression que ça va tout à fait dans ce sens là, à la fois on l'a dit l'être humain est irrationnel donc souvent c'est pour le pire mais pourquoi pas pour le meilleur. Qu'est-ce que tu recommanderais quand même toi, artisane de la donnée pour que les gens ils participent à faire advenir cette société-là où la technologie elle aurait repris sa juste place sans attendre à l'échelle individuelle et collective, dans leur giron personnel ou professionnel, je te laisse choisir. Il y a plusieurs... Alors c'est vrai que ça pourrait prendre des heures. Je pense que d'un point de vue personnel, il faut déjà se poser les bonnes questions de la place de la technologie au sein de son foyer, parce que c'est particulièrement important et puis parce que on le sait, notamment quand on a des enfants, ça donne mine de rien des automatismes pour les plus jeunes. Ça, c'est la première chose. La seconde, ça va être aussi dans le monde professionnel. Souvent, on délaisse un peu ce monde professionnel quand on parle un peu d'écologie, de petits gestes, d'utilisation des ressources, etc. On le fait très bien chez soi, mais en entreprise, c'est plus compliqué. Et pour autant, les ressources en entreprise, elles sont particulièrement utilisées puisque les ordinateurs tournent à plein régime toute la journée. Il y a des grands bâtiments, la climatisation, etc. Et donc, c'est aussi finalement se re-challenger sur la place de la technologie et comment on peut faire finalement du numérique plus responsable, plus écologique, moins émetteur de CO2. Ça passe par des toutes petites choses. Ça passe, par exemple, nous, quand on a construit le site de Scopa, on est passé par une coopérative qui s'appelle la coopérative des internets, qui, elle, justement, a pour but de minimiser l'impact des sites internet qui sont particulièrement énergivores, on s'en doute pas, et puis qui surtout est capable de quantifier l'impact que ça a. Et ça, forcément, il faut que ça soit beaucoup plus exploité par chacun, mais aussi à tous les postes, c'est-à-dire... Est-ce que tu as des ressources qui permettraient de comprendre justement notre nuage un peu d'empreinte qui flotte au-dessus de nous et dont on n'en a pas, dont on n'a pas la réalité en tête, notamment sur les sujets du numérique? Eh bien, alors, on n'a notamment pas en tête ces sujets parce qu'il n'y a aucune transparence dessus. Il y avait quelques études qui sont sorties dans les années 2018-2019 qui faisaient état des lieux, notamment de besoins particulièrement énergivores sur des algorithmes qu'on fait tourner. Par exemple, sur un algorithme comme... ChatGPT qui représentait à peu près 200 allers-retours Paris-New York. Et puis en fait, 4 ans plus tard, il y a une autre étude qui a montré que c'était pas du tout ça, que c'était beaucoup moins, etc. On n'arrive pas finalement à quantifier de manière très tangible, avec des comparaisons qui puissent aussi parler à tout le monde, ce que ça représente une recherche sur Google, un prompt sur ChatGPT, etc. Donc c'est vrai que ce manque de transparence fait qu'on n'arrive pas à visualiser derrière l'impact que ça aura. Est-ce que finalement, on n'aurait pas besoin, tu parlais du Covid et de ce vide qui a été créé de manière un peu forcée et qui nous a amené à avoir envie de plus de vivants. Est-ce qu'on n'aurait pas le besoin, nous, justement, de vivre un peu cette détox du numérique? Et qu'est-ce que tu penses des gens qui, une fois par année, se passent des réseaux pendant un mois, coupent tout un tas d'objets technologiques, ou même de celles et ceux qui vont jusqu'à utiliser, soit simplement dans leur vie perso, mais peut-être parfois dans les deux, des dumb phones, comme on les appelle, tu sais, les téléphones Nokia qu'on avait il y a 15 ans en arrière? Oui. Écoute, moi je sais que je suis pas forcément le bon exemple sur le côté détox du téléphone portable parce que je l'utilise beaucoup, mais autour de moi, c'est vrai que je sens de plus en plus des amis, des connaissances qui justement coupent parfois les week-ends ou quand ils ont des week-ends entre amis, des temps en famille bien précis, vraiment éteignent le téléphone, désinstallent les applications, etc. Et ça montre finalement l'envie qu'on a d'être moins dépendant de toutes ces technologies. Et dernière question, si on veut reprendre le contrôle de notre donnée, toi qui la vois passer absolument partout, tu regardes le monde un peu comme Neo regarde sa matrice là, avec plein de chiffres et plein de zéros et plein de 1, qu'est-ce qui peut nous permettre de vivre cette bonne hygiène de données là, et qu'est-ce qu'on doit mettre en place sans attendre qu'on ne savait même pas jusqu'alors? C'est très compliqué de répondre à cette question puisque maintenant les données, on est capable de les exploiter partout. Donc ça va être par exemple récupérer pour Netflix vos goûts en termes de films et de séries. Ou alors ça peut être autre chose, ça peut être finalement vos préférences côté achat, que ça soit sur un site e-commerce ou sur les magasins physiques. Donc les données, c'est vraiment sur toutes les thématiques qui gravitent autour de nous. Pour autant, je pense que là où il y a un vrai enjeu, c'est d'un point de vue politique. On l'a vu avec l'IA Act qui a mis un peu de temps à être voté et à être vraiment pris en considération. Le problème, c'est qu'on a des politiques qui sont particulièrement en retard sur ces questions du numérique. Le RGPD, par exemple, est arrivé trop tard et ils sont pas assez encadreurs, finalement, des dérives potentielles qu'il peut y avoir parce qu'ils n'en ont pas forcément conscience. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'on doit les interpeller sur quel projet en particulier? Est-ce que tu connais une structure qui travaille sur ces sujets? Ou est-ce qu'au contraire, on doit, comme d'habitude, un peu nous, les citoyens, montrer l'exemple? Et donc prendre les devants et appliquer déjà certaines bonnes pratiques que tu nous recommanderais? Moi, je pense que dans un premier temps, il faut le faire à son échelle, puisqu'évidemment, on n'a pas tous le même baromètre de laisser aller sur nos données personnelles, on va dire. Donc, il y a déjà cette étape-là. Il y a aussi le fait qu'il va falloir, mine de rien, forcément moins utiliser des technologies, puisque les réglementations, malheureusement, ne sont pas les mêmes sur tous les pays. Donc, potentiellement, les données personnelles en Europe, pas de souci, mais aux États-Unis, c'est une autre histoire. Donc, il y a vraiment cette idée d'éducation et de prendre conscience pour ne plus être ignorant et en tout cas faire les choix qui nous sont propres. Merci, Alison. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer les utopies vivantes, je vous invite à vous rendre sur 2030glorieuse.org pour découvrir la galaxie des 2030 glorieuses. Bien sûr, vous pouvez continuer à écouter ce podcast, mais aussi vous procurer mes livres sur le sujet et surtout vous inscrire à un prochain atelier utopiste collectif pour voyager en 2030 glorieuse à côté de chez vous. Salut !